Lévitique chapitre 19. L'Éternel parla aussi à Moïse, en disant, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et leur dit, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Vous craindrez chacun sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et ne vous ferez aucun dieu de fonte, je suis l'Éternel votre Dieu. Si vous offrez un sacrifice de prospérité à l'Éternel, vous le sacrifierez de votre bon gré. De ce mangera au jour que vous l'aurez sacrifié, et le lendemain, mais ce qui restera jusqu'au troisième jour, sera brûlé au feu. Que si on en mange au troisième jour, ce sera une abomination, il ne sera point agréé. Quiconque aussi en mangera, portera son iniquité, car il aura profané la chose sainte de l'Éternel, et cette personne-là sera retranchée d'entre ses peuples. Et quand vous ferez la moisson de votre terre, tu n'achèveras point de moissonner le bout de ton champ, et tu ne glaneras point ce qui restera à cueillir de ta moisson. Et tu ne grappilleras point ta vigne, ni ne recueilleras point les grains tombés de ta vigne, mais tu les laisseras aux pauvres et à l'étranger, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne déroberez point, ni ne dénierez point la chose à qui elle appartient, et aucun de vous ne mentira à son prochain. Vous ne jurerez point par mon nom en mentant, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne le pilleras point. Le salaire de ton mercenaire ne demeurera point par devers toi jusqu'au matin. Tu ne maudiras point le sourd, et tu ne mettras point d'achoppement devant l'aveugle, mais tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Vous ne ferez point d'iniquité en jugement, tu n'auras point d'égard à la personne du pauvre, et tu n'honoreras point la personne du grand, mais tu jugeras justement ton prochain. Tu n'iras point médisant parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain, je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère en ton cœur. Tu reprendras soigneusement ton prochain, et tu ne souffriras point de péché en lui. Tu n'useras point de vengeance, et tu ne la garderas point aux enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Vous garderez mes ordonnances. Tu n'accoupleras point tes bêtes avec d'autres de diverses espèces. Tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de grains, et tu ne mettras point sur toi de vêtements de diverses espèces, comme de laine et de lin. Si un homme a couché avec une femme, laquelle étant esclave fut fiancée à un homme, et qu'elle n'ait pas été rachetée, et que la liberté ne lui ait pas été donnée, ils auront le fouet, mais on ne les fera point mourir, parce qu'elle n'avait pas été affranchie. Et l'homme amènera son offrande pour le délit à l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation, savoir un bélier pour le délit. Et le sacrificateur fera propitiation pour lui devant l'Éternel par le bélier de l'offrande pour le délit, à cause de son péché qu'il aura commis, et son péché qu'il aura commis lui sera pardonné. Et quand vous serez entrés au pays, et que vous y aurez planté quelque arbre fruitier, vous tiendrez son fruit pour son prépuce, il vous sera incirconcis pendant 3 ans, et on n'en mangera point. Mais en la 4e année tout son fruit sera une chose sainte, pour en louer l'Éternel. Et en la 5e année vous mangerez son fruit, afin qu'il vous multiplie son rapport, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne mangerez rien avec le sang. Vous n'userez point de divination, et vous ne pronostiquerez point le temps. Vous ne tondrez point en rond les coins de votre tête, et vous ne gâterez point les coins de votre barbe. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez point de caractère sur vous, je suis l'Éternel. Tu ne souilleras point ta fille en la prostituant pour la faire paillarder, afin que la terre ne soit point souillée par la paillardise, et ne soit point remplie d'énormité. Vous garderez mes sabbats, et vous aurez en révérence mon sanctuaire, je suis l'Éternel. Ne vous détournez point après ceux qui ont l'esprit de Python, ni après les devins, ne cherchez point de vous souiller par eux, je suis l'Éternel votre Dieu. Lève-toi devant les cheveux blancs, et honore la personne du vieillard, et crains ton Dieu, je suis l'Éternel. Si quelque étranger habite en votre pays, vous ne lui ferez point de tort. L'étranger qui habite parmi vous, vous sera comme celui qui est né parmi vous, et vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étrangers au pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point d'iniquité en jugement, ni en règle, ni en poids, ni en mesure. Vous aurez les balances justes, les pierres à peser justes, l'épha juste, et l'injuste. Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai retiré du pays d'Égypte. Gardez donc toutes mes ordonnances, et mes jugements, et les faites, je suis l'Éternel.